السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على أن جمعنا مرة أخرى في هذا المكان الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مباركا، ونسأل الله جل في علاء أن يجعلنا ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله تبارك وتعالى من فضله. أيها الإخوة، هذه الكليمات موضوعها اجتماع الكلمة وأثره في دفع الفتن، اجتماع الكلمة وأثره في دفع الفتن. وأحيلكم في هذا الموضوع إلى ما قد سجله أهل العلم من كتب ورسائل ومحاضرات قديما وحديثا. من ذلك محاضرة قيمة لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، تجدونها في موقعه إذا رجعتم إليه إن شاء الله. فهذا موضوع مهم، لأن الفتن تكثر، والله تبارك وتعالى قد أخبر بذلك، وأنه يبتلي عباده بهذه الفتن ليتميز الصادق ممن ليس بصادق. يقول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بشيء من الخوف، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأخبر الله تبارك وتعالى بحصول هذه الأمور التي يتميز عندها أهل الصدق من أهل الكذب، الذين يصدقون فيما ينطقون به وفيما يدعون من الذين يكذبون في ذلك ويسخطون. فالحكمة بينة قد سمعتموها من كلام ربكم تبارك وتعالى. On adresse les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et on le remercie et on est reconnaissant envers lui pour le fait de nous avoir à nouveau réunis dans cet endroit que nous espérons béni, et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala d'en faire un lieu béni, empli d'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala et de bien. Et on lui demande également de nous compter parmi ceux qui ont été visés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Et il n'est pas un groupe de gens qui se réunissent dans une maison parmi les maisons d'Allah afin d'y réciter le livre d'Allah et de l'étudier entre eux sans que ne descende sur eux la quiétude et que ne les enveloppe la miséricorde et que les anges ne les entourent et qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. » Et nous demandons donc à Allah tabaraka wa ta'ala de ses faveurs immense. Chers frères, cette assise qui nous réunit ce soir a pour but d'aborder un sujet très important qui n'est autre que l'unité du discours et son impact sur la fermeté face aux épreuves et sur le rejet des troubles. Et c'est un sujet très important qui a été traité par les gens de science qui se sont basés sur le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala ainsi que sur la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté afin de l'expliquer conformément à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé. Les ulama donc n'ont cessé d'évoquer ce genre de sujet-là, et ce, à toute époque. À notre époque, nous pouvons mentionner parmi eux, parmi les nombreux ulama de la sunna, le noble Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, notamment dans une conférence qu'il donna à Jeddah, intitulée « Ijtima'ul kalima wa atharuhu fi daf'il fitan ». Et je vous renvoie vers cette conférence que vous pouvez trouver sur son site et qui prochainement va être traduite. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de faciliter cela. Ce sujet-là, donc, il concerne l'unité du discours, donc l'union, le fait d'être uni et l'impact que cela a sur la fermeté face aux épreuves, sur le rejet des troubles. Il faut savoir que les épreuves, chers frères, c'est quelque chose d'inévitable. Allah tabaraka wa ta'ala a informé qu'allait survenir des épreuves et des troubles. En effet, il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans surat Al-Ankabut, la surat de l'araignée, Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. C'est ainsi que se confirme ce qu'Allah savait de ceux qui disent la vérité et de ceux qui mentent. Et il a également dit, subhanahu wa ta'ala, dans surat al-Baqarah, surat de la vache, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des éloges de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les bien guidés. On se rend compte à travers ces quelques versets, Yarhamukallah, que la sagesse qui réside dans ces épreuves-là, c'est que par ces épreuves se distinguent ceux qui sont véridiques de ceux qui ne le sont pas. Par ces épreuves et par ces troubles se distinguent ceux qui vont faire preuve de véracité en patientant et en faisant preuve de fermeté et ceux qui, au contraire, vont être menteurs dans leurs prétentions en n'agréant pas cela et en ne patientant pas, en n'endurant pas et en faisant preuve d'absence de fermeté, d'indécision, d'incertitude et d'instabilité. C'est ainsi donc par ces épreuves que se distinguent les premiers que nous avons mentionnés des seconds et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous place parmi les véridiques et les endurants. فالناس في هذا المقام يختلفون بين الصادق وكاذب كما تقدم على مسامعكم من قراءة كلام ربكم تبارك وتعالى ويقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ويقول سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن الذين صدقوا يتكلم عن الذين صدقوا مثل هؤلاء الذين أصابتهم أو مستهم البأساء والضراء والذين زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله يعني صبروا إلى هذا الحد متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب من هؤلاء الذين صدقوا من ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه أي مات ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يعني لم يتغيروا بل ثبتوا وصدقوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ومن هذا المنطلق نقول إن أهل السنة والجماعة ورثوا من هؤلاء هذا الثبات وهذا الحزم في الأمور فأهل السنة يتميزون بالثبات عند هذه الأمور يثبتون على الحق كما فعل أسلافهم وعلى ضد من ذلك من ذكرهم الله تبارك وتعالى في آية أخرى في بداية سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف عندك الحبل هكذا نعم وحرفه طرفه فليس فيه قوة ولا شيء ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين Il faut savoir que les gens sont différents face aux épreuves et face aux troubles, comme nous l'avons vu précédemment. Il en est certains parmi eux qui sont fermes, qui font preuve de véracité et de fermeté. Et il en est d'autres qui se comportent d'une manière tout opposée, en étant instables, incertains, hésitants, en ne patientant pas, et encore moins en faisant preuve d'endurance. Les premiers cités, nous les retrouvons dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans la traduction approximative du sens est la suivante. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles qui subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés. Quand viendra donc le secours d'Allah? Oui, le secours d'Allah est assurément proche. Donc ces gens-là, ils ont fait preuve d'endurance, à un tel point qu'ils en sont arrivés à ce que vous avez entendu. maladie et misère les avaient touchés et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager avec lui, ceux qui avaient cru, se fussent écriés. Quand viendra le secours d'Allah? Oui, le secours d'Allah est assurément proche. Également, tu trouveras qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné d'autres exemples de ces gens qui ont fait preuve de véracité, d'endurance et de fermeté. Notamment, ce qu'il a mentionné dans Surat Al-Ahzab, à le verset numéro 23, dont la traduction approximative du sens est la suivante. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été véridiques dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, c'est-à-dire qu'ils sont morts, et d'autres attendent encore, et ils n'ont varié aucunement, dans le sens qu'ils sont restés fermes. Et c'est là une des caractéristiques de ceux qui sont fermement accrochés à la vérité. Ils font preuve de fermeté. Ils sont fermes dans leur cramponnement à la vérité. Et ils ne bougent pas malgré les épreuves. Et ils ne dérogent pas à la vérité qu'ils suivent malgré les troubles qui peuvent les toucher. C'est ainsi que parmi les caractéristiques des adeptes de la sunna et du groupe uni sur la vérité, Ahlus Sunnati wal Jama'a, tu as la fermeté. Hudhayfa ibn al-Yaman, qu'on va avoir l'occasion de mentionner sous peu, Inch'Allah, il disait, le summum de l'égarement, c'est que tu te mettes à approuver ce qu'auparavant tu réprouvais. Et que tu te mettes à réprouver ce qu'auparavant tu approuvais. Et méfie-toi de l'instabilité dans la religion, car la religion d'Allah est unique. Donc à partir de là, les adeptes de la sunna ont hérité de cette fermeté dans leur attachement inconditionnel à la vérité. À l'inverse de cela, tu trouves ceux qui vont être instables, hésitants, incertains, douteux. Notamment, ceux qui ont été mentionnés par Allah tabaraka wa ta'ala au début de surat al-Hajj, le pèlerinage, lorsqu'il dit, il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent, et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien de l'ici-bas et de l'au-delà. Et telle est la perte évidente. فمن هنا يفهم ويدرك المؤمن الصادق الناصح لنفسه ضرورية توقي هذه الأمور وأن يستعد لمواجهة هذه الفتن وقد أتى إلى التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى بعض الناس وقد مرت بالأمة فتنة فسألوه كيف ندفع هذه الفتنة فقال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى إذا جاءتكم الفتنة فادفعوها بالتقوى فقالوا وما التقوى فقال وهذا تعريف جميل جدا حتى قال بعض أهل العلم إنه أجمع تعريف للتقوى يقول التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله والنور من الله هنا هو نور العلم والإيمان ثم قال وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله هذا هو التقوى وهذا هو المنجي من هذه الفتن لذلك قال لهم إذا جاءتكم الفتنة فادفعوها بالتقوى Le croyant, à partir du constat que nous avons avancé, il se doit de chercher à se prémunir et se protéger et à se préparer à la manière dont il va faire face à ses épreuves et à ses troubles. D'ailleurs, certaines personnes sont venues voir le tabi'i, un tabi'i, c'est une personne qui fait partie des tabi'in, la deuxième génération de l'islam. Ceux qui ont côtoyé, qui ont vu les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sans pour autant voir ce dernier sallallahu alayhi wa sallam. Des personnes sont venues voir donc Talq ibn Habib, qui faisait partie de cette deuxième génération de l'islam, alors que des troubles avaient touché la communauté, et ils lui ont dit: comment pouvons-nous repousser ces troubles? Talq ibn Habib de leur dire: lorsque les troubles se présentent, alors repoussez-les par la taqwa, c'est-à-dire par la crainte révérentielle. Et eux de lui dire: mais qu'est-ce donc que la crainte révérentielle? Qu'est-ce donc que la taqwa? Et Talq ibn Habib de leur répondre, et d'ailleurs sa réponse constitue une des meilleures définitions qui ait été donnée de taqwa, c'est-à-dire la crainte révérentielle. Il a dit: la taqwa, la crainte révérentielle d'Allah, c'est que tu œuvres par obéissance à Allah en te basant sur une lumière venant d'Allah. Et cette lumière venant d'Allah, c'est la lumière de la science et de la foi. Cette science qui doit être basée sur le Coran, la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté, as-salaf as-salih. Donc il lui a dit: ce que tu œuvres par obéissance à Allah, en te basant sur une lumière venant d'Allah, et en recherchant par là l'agrément d'Allah, la récompense d'Allah, et que tu t'écartes de la désobéissance à Allah, en te basant sur une lumière venant d'Allah, et en craignant par là le châtiment d'Allah. Donc tu te rends compte ici que c'est cette crainte révérentielle que nous a défini Talq ibn Habib qui va te permettre, bi'idhnillah, par permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, de te prémunir et de te préserver de ce genre de choses-là. Et il fait partie de cette taqwa de concrétiser le sujet que nous allons tenter d'aborder durant ces quelques minutes qui nous réunissent, à savoir le fait d'être unis. Et nous allons voir donc comment être unis. فَمِنَ التَّقْوَى نَعَمْ أَنْ تُحَقِّقْ مَوْضُوعَ هَذِهِ الْجَلْسَةِ وَهُوَ اجْتِمَاعَ الْكَلِمَةِ. وسنتكلم إن شاء الله عن كيفية اجتماع الكلمة وكيفية جمع الكلمة بإذن الله. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، يعني توافقهم في بعض الأشياء وتخالفهم في أمور أخرى. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذا حديث عظيم يتبين من قراءته أمور كثيرة ومهمة. فسأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني بهذا الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، يعني كان هناك الخير ثم الشر ثم الخير مرة أخرى، ولكن فيه دخن، وهذا الدخن أناس يستنون بغير سنته صلى الله عليه وسلم، ويهدون بغير هديه صلى الله عليه وسلم، تعرف منهم وتنكر. وبعد هذا الخير الذي كان فيه دخن شر آخر، وهذا الشر دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. ثم قال حذيفة: صفهم لنا. وهذا من حرصه على معرفة الهدى لسلوك طريقه، ومعرفة الشر لاجتنابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في شفقته: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فماذا ترى إن أدركني ذلك؟ يعني إن جاء هذا الشر وأنا حي. فقال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فلزوم جماعة المسلمين وإمامهم سبب في النجاة من هذه الفتنة العظيمة، في النجاة من هذا الشر الخالص الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يبين ويظهر جليا أن لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، ولزوم إمامهم سبب في دفع الفتن. فقلت، يعني حذيفة: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، فقال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهناك أمر مهم، وهو أننا بحمد الله في هذا الزمان نجد في حكام المسلمين في بلدان الإسلام هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إمام المسلمين، أئمة المسلمين، نجدهم في بلدان الإسلام، كما أن جماعة المسلمين موجودة في بلدان المسلمين. أما الذين يعيشون في مثل هذه البلاد التي هي بلاد غير إسلامية، فعليهم أن يهاجروا وأن يلتحقوا بالمسلمين في بلدانهم، وإذا لم يتمكنوا من ذلك وكانوا من المستضعفين الذين لا يقدرون على الهجرة، فعليهم بأن لا يتركوا إخوانهم من أهل السنة والجماعة الذين يلتزمون بهذا المنهج النبوي القائم على الدليل. وهذا أمر مهم، أنت ما دمت في هذه البلاد فلا تفارق الجماعة ولا تبتعد عن إخوانك الذين يسيرون على الحق ويتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Il faut savoir donc que Hudhayfa, qu'on a mentionné précédemment, il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait, en introduction de cela, il a dit, les gens questionnaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien. Tandis que je l'interrogeais à propos du mal par crainte qu'il ne m'atteigne. Et parmi ce que je lui ai dit, ô messager d'Allah, nous étions auparavant dans l'ignorance et le mal. Jusqu'à ce qu'Allah ne vienne avec ce bien. C'est-à-dire l'islam. Y aura-t-il après ce bien un autre mal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dut dire oui. Puis Hudhayfa lui a dit, et après lui, y aura-t-il un nouveau bien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dut dire oui, mais il sera quelque peu entaché. Hudhayfa lui a dit, c'est-à-dire, que veux-tu dire par là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dut dire, je veux parler d'un peuple qui se guidera avec t'autre que ma voix. Tu approuveras certaines choses d'eux et tu en désapprouveras d'autres. Puis Hudhayfa de continuer en disant, après cela, y aura-t-il un autre mal? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, oui, des gens qui prêchent aux portes de l'enfer et ils y emporteront ceux qui les auront suivis. Hudhayfa de dire alors, décris-les-nous au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce dernier de répondre, ils sont des nôtres et s'expriment de par notre langage. Et Hudhayfa de dire, que m'ordonnes-tu de faire si je vis à cette époque? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, tu restes fidèle au groupe des musulmans qui est uni sur la vérité et à leur imam. Et s'il venait à n'y avoir ni groupe uni sur la vérité ni imam, de dire Hudhayfa, il dit, si jamais il n'y a pas de groupe uni sur la vérité, qu'il n'y a pas d'imam, qu'est-ce que je dois faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, délaisse alors tous ces partis, même si tu dois mordre à la racine d'un arbre, et ce jusqu'à ce que la mort ne te vienne, alors que tu es dans cet état. Dans ce hadith, on se rend compte qu'il y a plusieurs étapes par lesquelles la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam est passée. La première étape, c'était une étape de bien, c'est le début de l'islam, qui a été suivi par une période qui a connu beaucoup de maux et de troubles. Donc on a trouvé du bien, puis du mal, puis à nouveau du bien. Cependant, ce bien, il était quelque peu entaché, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, visant par là des gens qui suivront autre que sa voix. Et tu approuveras certaines choses d'eux, et tu en désapprouveras d'autres. Après donc ce bien qui était quelque peu entaché, il y a le mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de le définir en disant, des gens qui prêchent aux portes de l'enfer, ils y emporteront ceux qui les auront suivis. Hudhayfa, du fait de son désir, de son avidité, donc de savoir, et également de la crainte qu'il avait du mal et du fait d'être touché par le mal et par l'égarement, il a dit, décris-les-nous au messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, ils sont des nôtres et s'expriment par notre langage. Et ensuite, après que Hudhayfa lui ait demandé, il lui a ordonné de rester fidèle au groupe des musulmans unis sur la vérité. Donc, on retient de ce hadith parmi les nombreux enseignements que pour être préservé de ces troubles-là qu'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'incombe de rester fidèle au groupe des musulmans unis sur la vérité et à leur imam. Et il faut savoir qu'à notre époque, jusqu'à notre époque, alhamdoulilah, le groupe unis sur la vérité est toujours présent. Et également, les imams des musulmans sont encore présents. Et dans les terres d'islam, vous pouvez trouver les gouverneurs musulmans qui dirigent les affaires des musulmans dans leur pays. Donc, nous avons toujours cette possibilité-là, grâce à Allah tabaraka wa ta'ala. Il incombe donc que les personnes qui vivent en terre d'islam restent fermement attachées et restent fidèles au groupe des musulmans unis sur la vérité et également qui restent fidèles et loyaux vis-à-vis de leur gouverneur. La question se pose concernant ceux qui ne vivent pas en terre d'islam. À ce moment-là, il leur incombe de rejoindre les musulmans dans leur pays et d'émigrer et de rejoindre les musulmans en terre d'islam. Et tant qu'ils sont dans des terres impies, alors il leur incombe de faire leur possible pour les quitter. Et si vraiment ils n'en ont pas la possibilité, alors le moins qu'ils puissent faire, et ça leur est obligatoire, c'est qu'ils restent fidèles au groupe unis sur la vérité, aux adeptes de la sunna et du groupe unis sur la vérité, Ahl sunna wal jama'a, et qui ne s'écartent pas d'eux. Et combien de gens avons-nous vu s'écarter pour des prétextes qu'ils pensaient être bons, mais qui en vérité étaient des prétextes futiles, s'écarter du groupe des musulmans unis sur la vérité, et tu les as vus petit à petit régresser dans leur religion, à tel point qu'ils ont faibli et qu'ils en sont parfois égarés, qu'ils ont dévié, qu'Allah nous en préserve. فالاجتماع سبب عظيم في دفع هذه الفتن ولكن ما المقصود وما مفهوم الاجتماع المطلوب في شرع الله تبارك وتعالى المطلوب من الشرع هو أن نجتمع على الحق هذا أولا أن نجتمع على الحق وبالحق وللحق على الحق بمعنى أن نجتمع وأن نكون مجتمعين على أمر واحد وهو الحق الكامن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم و إجماع أهل العلم وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالحق يعني أن تسير على طريقة شرعية موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة لتصل إلى هذا المطلب العظيم وهو الاجتماع على الحق وكذلك أن يكون هذا الاجتماع للحق يعني أن تقصد بهذا الاجتماع وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين فنجد في هذه الآيات الكريمة الأمر بالاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى يستدل بعض الناس بهذه الآية ويفهمون أن المقصود أن تجتمع دون النظر إلى الشيء الذي تجتمع عليه مع أن هذا الكلام من ربنا تبارك وتعالى واضح جدا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا لم يقل اعتصموا بالهوى أو بلا شيء، قال واعتصموا بحبل الله جميعا. وحبل الله فسر بتفسيرات، فقيل إن حبل الله هو كتابه، وقيل هو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. والخلاصة أن حبل الله هو الحق الذي تجده في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على بفهم سلف هذه الأمة، ولا تفرقوا. نهى الله تبارك وتعالى عن هذا التفرق، وهذا التفرق له أسباب، ومن أسباب هذا التفرق مخالفة الحق. لذلك سمي أهل السنة بأنهم أهل السنة والجماعة، لأنهم اعتصموا بحبل الله. والجماعة أن تكون على الحق وإن كنت وحدك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وسمي في مقابل ذلك أهل البدع أهل الفرقة، أهل الفرقة لأنهم الذين تسببوا في الفرقة وفي هذا التفرق. فالذين ينهون عن البدع ويحذرون من الابتداع، ما هم؟ بالذين تسببوا في هذا التفرق. الذين تسببوا في ذلك هم الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه، فأوجبوا بفعلهم هذا على أهل الحق أن يتكلموا. فسمي أهل البدعة أهل الفرقة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، إلى آخر الآيات التي سمعتموها. Donc on a parlé de l'importance de l'union et de la fidélité au groupe des musulmans unis sur la vérité, et que c'est là une cause qui permet de se prémunir, par permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, des épreuves et des troubles qui se présentent aux serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais quel est donc le sens? Qu'est-ce qui est voulu par l'union? Est-ce que c'est n'importe quelle union? Ou est-ce que c'est une union bien précise? L'union qui est voulue dans la religion, on peut la résumer comme étant une union sur la vérité, par la vérité et pour la vérité. Sur la vérité dans le sens où tu te dois de t'unir sur la vérité qui est présente dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Par la vérité dans le sens où les voies que tu vas emprunter afin d'arriver à cet objectif que nous devons de mentionner, elles doivent être également en conformité avec le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Et pour la vérité dans le sens où tu dois le faire sincèrement pour Allah, et la sincérité vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala signifie que tu recherches son agrément et sa récompense dans l'au-delà. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Al-Imran, la traduction approximative du sens de sa parole, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés, et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait vous êtes devenus frères, et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés, ainsi Allah vous montre ses signes afin que vous soyez bien guidés. Que soit issue donc de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdise le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à se disputer après que l'épreuve leur fut parvenue, et cela aura un châtiment douloureux ou un énorme châtiment le jour où certains visages s'éclaireront et que d'autres s'assombriront, et ceux dont les visages seront assombris diront, ou il leur sera dit, avez-vous mécru après avoir eu la foi? Eh bien, goûtez donc au châtiment pour avoir renié la foi. Et quant à ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront dans la miséricorde d'Allah, où ils demeureront éternellement. Tels sont les versets d'Allah, nous te les récitons avec vérité, et Allah ne veut point léser les êtres. Donc, à partir de là, tu te rends compte de cet ordre divin qui nous est ordonné de nous cramponner tous au câble d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Certaines personnes comprennent de ce verset qu'il suffit pour le concrétiser cet ordre, d'être unis. Mais en vérité, ce qui est voulu, comme nous allons le voir, incha'Allah, c'est plus que ça, c'est le fait d'être unis sur la vérité. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah. Le câble d'Allah, c'est la conformité à la vérité, la conformité au Coran, la conformité à la Sunna, la conformité à ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs de cette communauté, dans la manière qu'ils ont eu de comprendre les textes du Coran et de la Sunna. Et ne soyez pas divisés. Il convient donc de rejeter et d'écarter toutes les causes qui pourraient mener à la division. Sachant que parmi les plus grandes causes de division, il y a le fait de s'opposer à la vérité et de déroger à la vérité. Car à partir du moment où parmi les membres de la communauté, il en est qui s'opposent à la vérité, en connaissance de cause ou pas, forcément il va y avoir de l'autre côté des gens qui vont leur répondre et qui vont les blâmer. Et c'est ainsi que soit les premiers vont se repentir et réemprunter le droit chemin, soit ils vont s'enorgueillir et s'entêter, auquel cas la divergence va survenir. C'est d'ailleurs pour cela, comme l'a expliqué Ibn Taymiyyah, hein, que les savants appellent les adeptes de l'innovation, le bid'a, ils les appellent les adeptes de la division, les acteurs de la division, car ce sont eux qui causent la division. Et c'est d'ailleurs pour cela également que les adeptes de la Sunna ont été appelés les adeptes du groupe uni sur la vérité. Donc les adeptes de la véritable union. كذلك من المهم أن تعرف أن هذا الاجتماع وأن الهداية عموما من الله تبارك وتعالى فتطلبان منه جل جلاله ولا يلتمس شيء من ذلك في هذه الطرائق والجماعات والطرق والسبل التي اخترعها بعض الناس فأنت إذا أردت الهداية وإذا أردت أن تسعى في جمع كلمة المسلمين فلا بد من أن تدرك أن هذا من الله تبارك وتعالى فلا بد من أن تبتغي ذلك منه جل جلاله ولا تلتفت إلى ما يخترعه الناس من طرائق مبتدعة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى لها من سلطان يقول الله تبارك وتعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم والصحابة ماذا كانوا يقولون والله لولا الله ما اهتدينا وما صلينا وما تصدقنا وهذا حق لولا الله تبارك وتعالى ما اهتدينا فالهداية وكذلك هذه الألفة وهذا الاجتماع كل ذلك يبتغى من الله تبارك وتعالى ويلتمس منه، فتدعو الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا ذلك، وتبحث في كتابه جل جلاله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة ما يكون سببا في تحقيق هذا المطلب العظيم. On a donc parlé de l'union, du fait d'être unis sur la vérité, par la vérité et pour la vérité. Et il faut savoir que cette chose est de manière générale, la guider, ne peuvent être atteintes qu'en la demandant d'Allah, tabaraka wa ta'ala, car tout cela ne vient que d'Allah. Tu ne dois pas le rechercher dans les voies qui ont été instaurées par les gens, car ça vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il a dit dans la traduction approximative de sa parole dans Sourate Al-Anfal, et il a uni leur cœur. Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pu unir leur cœur. Mais c'est Allah qui les a unis, car il est puissant et sage. Donc cette union-là, elle provient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est donc de lui qu'on doit la chercher. C'est à lui qu'on doit la demander. C'est dans son livre qu'on doit chercher les causes qui vont mener à cette union. Et également, la guider, de manière générale. La guider, elle vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ne cherche donc pas toutes ces choses-là dans les voies et dans les méthodologies qu'ont inventées les gens. Mais cherche-la donc, demande-la donc à Allah, tabaraka wa ta'ala, en l'invoquant avec humilité. Et également, recherche-la dans son livre, dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. قد تقدم أن السبب الأساسي في جمع الكلمة هو موافقة الحق، وعلى رأس ذلك التوحيد، فالتوحيد أعظم معروف وأعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به، وكذلك على رأس هذا الحق الذي تجب موافقته اجتناب الشرك بالله تبارك وتعالى وذمه والتحذير منه. يقول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فتجد هنا ماذا؟ أن الله تبارك وتعالى ربط هذه الأمور بعبادته جل جلاله، فقال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالذين يريدون هذا الأمر أو هذه الأمور التي وعدها الله تبارك وتعالى، الذين يريدون هذا التمكين، الذين يريدون اجتماع الكلمة، لا بد من أن يحققوا ابتداء عبادة الله تبارك وتعالى، توحيده جل جلاله، وكذلك أن لا يشركوا به شيئا. ونجد ذلك في حديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم ويكره لكم ويسخط لكم كثرة السؤال وقيل وقال وإضاعة المال. فذكر في ما يرضاه الله تبارك وتعالى لنا ماذا؟ عبادة الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به والاعتصام بحبل الله جميعا وعدم الافتراق، وماذا؟ ومناصحة ولاة الأمور. وقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: لم يقع خلل في دين الناس ولا في دنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. فلا بد من أن تدرك هذه الأمور وأن تفهمها وأن تحفظها. توحيد الله أولا، والترك واجتناب الشرك، هذا أمر. وأمر آخر الاعتصام بحبل الله وعدم الافتراق. أمر ثالث مناصحة ولاة الأمور بهذه الأمور الثلاثة، يحصل الخير الكثير وتجتمع كلمة المسلمين. فلا بد من إدراك أهمية هذه الأمور وضروريتها. Nous avons vu donc que c'est la conformité à la religion qui est la cause de l'union que nous devons rechercher. L'unité du discours, l'union des rangs, le fait que les rangs des musulmans soient des rangs unis. Et à la tête de la conformité à la religion, il y a le tawhid ainsi que le rejet et la condamnation du shirk, qui constitue l'associationnisme, le fait d'adorer autre qu'Allah, en plus que d'adorer Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans la traduction approximative de sa parole, dans Surat An-Nur, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et ont fait des bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité, qu'ils m'adorent et ne m'associent rien. Donc ici Allah tabaraka wa ta'ala, il a lié tout ce qu'il a mentionné comme force et suprématie de la religion au fait de l'adorer uniquement tabaraka wa ta'ala et de rien ne lui associer, ce qui revient donc à concrétiser ce que l'on appelle le tawhid, l'affirmation de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul et unique. Et il a également lié au fait de rejeter son inverse, à savoir le shirk, l'associationnisme qui consiste à adorer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala en plus que d'adorer Allah. Nous retrouvons cela avec deux autres points très importants. Et on va peut-être terminer par ça. Et je vous invite à être attentif quant à ces trois points, comme nous allons le voir. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala a rapporté dans son musnad que le prophète, d'après Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah agrée pour vous trois choses et il en déteste pour vous trois autres. Il agrée pour vous que vous l'adoriez et que vous ne lui associez rien et que vous vous cramponniez tous ensemble au câble d'Allah et que vous ne vous divisiez pas et que vous soyez d'un conseil loyal vis-à-vis de ceux à qui Allah a donné la responsabilité de vos affaires, c'est-à-dire les gouverneurs musulmans. Et il déteste pour vous les ondji, le trop grand nombre de paroles, le fait de trop parler, et la dilapidation de l'argent. Tu retrouves donc dans le début de ce hadith les trois choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala agrée pour nous. Premièrement, le fait de l'adorer seul et sans associer, et de ne rien lui associer. Donc la concrétisation du tawhid, l'affirmation de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans son adoration. Et le rejet de ceux qui s'y opposent comme shirk, l'associationnisme. C'est là donc un premier point qu'Allah tabaraka wa ta'ala agrée pour nous, qui contient deux choses. Deuxième point, le fait d'être cramponné tous ensemble au câble d'Allah et de ne pas se diviser. Donc c'est là le second point qui en contient également deux. Et le troisième point, c'est le fait d'être d'un conseil loyal pour les gouverneurs musulmans. Et c'est là donc le troisième point. Le cheikh de l'islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, a dit en commentaire de ce hadith dans son livre Masail al-Jahiliya, il ne peut y avoir de défaillance dans la religion des musulmans ou dans les affaires de ce bas monde sans qu'il n'y ait de déficience dans tout ou partie de ces trois fondements. Donc considère ces trois choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala agrée pour nous comme autant de fondements de ta religion. Mémorise-les donc et cherche à les appliquer et à les concrétiser. Est-ce que j'ai le temps de terminer? Il reste une page et demie. Nokmen? Cher Nokmen? Nokmen? Nokmen? Yalla, Inch'Allah, nous haoulons. On a retassé, Inch'Allah. ومما سبق التنبيه إليه أن الاجتماع الحقيقي الذي يريده الله تبارك وتعالى منا ليس هو كما يظنه البعض أن تجتمع أبداننا وأفكارنا وعقائدنا مختلفة لا ليس هذا هو الاجتماع الذي يريده الله تبارك وتعالى منا بل الاجتماع الذي يريده هو الاجتماع على الحق على صراطه المستقيم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه خطرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وعلى جانبي هذا الخط وقال يعني خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما يعني مستقيما وطويلا وقال هذا سبيل الله ثم خط يعني عن يمينه وشماله خطوطا وقال هذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تقون. فالمفروض والواجب علينا أن نسلك جميعا هذا الصراط المستقيم وهو صراط واحد كما يتبين من خط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخط وخط واحد وهو خط مستقيم وهو خط طويل. أما هذه الخطط أو الخطوط التي تمثل هذه السبل التي قال الله تبارك وتعالى عنها ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هي خطوط كثيرة وقصيرة يعني صغيرة قد يظن البعض أنها مثمرة وإنما هي في الحقيقة تؤدي إلى الهلاك إلى الضلال. أما الخط المستقيم فهو خط طويل يجب على الذي يسلكه أن يصبر وأن يصابر عليه حتى يصل إلى مطلوبه حتى يصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. أما الذين يسلكون هذه السبل فهم داخلون ولهم نصيب من قول الله تبارك وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون يعني تظنهم مجتمعين لأنهم اجتمعوا بأبدانهم ولكن في الحقيقة قلوبهم شتى لأنهم اجتمعوا على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير الإسلام الحقيقي. يقول الإمام البربهاري: اعلم أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. Nous avons mentionné précédemment que l'union véritable, ce n'est pas le simple fait d'être ensemble, réunis, que les corps soient unis alors que les cœurs ne le sont pas, et que les idéologies sont différentes, et que les croyances et les voies qui sont suivies divergent. Ce n'est pas cela l'union qui est voulue par Allah tabaraka wa ta'ala. La véritable union, c'est celle qui est, comme on l'a dit précédemment, sur la vérité, par la vérité et pour la vérité. La véritable union, c'est celle qui est en conformité avec ce fameux trait qu'a tracé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a dit Ibn Mas'ud radiallahu an, il a dit un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé par terre un trait droit. Il y a un trait droit et long. Et de part et d'autre de ce trait, il a tracé des petits traits. Et quand il a tracé le long trait, il a dit, c'est ça la voie d'Allah. Et quand il a tracé les petits traits, il a dit, et ceux-là, ce sont les voies ou les chemins, les sentiers. À la tête de chacun d'entre eux, il y a un diable qui y appelle. Puis il a récité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans la traduction approximative du sens, c'est la suivante. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc, il est impératif d'être en conformité avec cette voie. On remarque que cette voie, ce trait droit, est unique, et qu'il est également long. Donc, il n'y a qu'une seule voie qui te mène à l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il faut que tu saches que cette voie, elle est longue. Elle nécessite de la patience et de l'endurance. Alors que toutes ces petites voies qui ont été tracées de part et d'autre de ce long trait, ce sont des voies qui sont multiples, qui sont courtes. La personne qui en vient à les emprunter, ou à emprunter certaines d'entre elles, va penser que ce sont des voies qui portent leurs fruits, alors qu'en vérité, elles ne mènent qu'à l'égarement et à la perdition. Et les effets qui peuvent en apparence être positifs dans le fait de suivre ces sentiers-là, sentiers de l'égarement, ne sont que des effets éphémères, et ce ne sont qu'au final des illusions. Et les gens qui suivent ces sentiers-là, ils ont une part dans ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans surat Al-Hajr. Tu les croirais unis alors que leurs cœurs sont divisés. Cela, car ce sont en vérité des gens qui ne réfléchissent pas, qui ne raisonnent pas. Wa sanakhtim هذه الجولة بحديث عظيم. يقول العرباض بن سارية الصحابي الجليل رضي الله عنه، وأعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من أهل القلوب وذرفت من أهل العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالتقوى الله والسمع والطاعة، إن تأمر عليكم عبد إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الداء، وهو الاختلاف ضد الاجتماع. وبعد ذكر الداء ذكر الدواء، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا قال بعد ذلك؟ هل قال فعليك أن تجتمعوا وأن تتعاونوا على ما اتفقتم عليه، وأن تعذروا أن يعذر بعضكم بعضا ما اختلفتم فيه؟ لا، ما قال هذا. أن هذه قاعدة مبتدعة مخترعة، بل قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا بد من التمسك بالحق الذي نجده في كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم سلف هذه الأمة الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. On terminera ces quelques paroles avec un hadith très important qui est rapporté par le noble compagnon Al-Irbad ibn Sariya radiallahu anhu, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a accordé une exhortation éloquente qui a fait frémir les cœurs et qui a fait pleurer les yeux. Nous lui avons alors dit: ô messager d'Allah, c'est comme si c'était l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Donne-nous donc une recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire alors: je vous recommande la crainte révérentielle d'Allah, l'écoute et l'obéissance, même si celui qui vous dirige est un esclave, car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Cramponnez-vous-y et mordez-y à pleines dents. Et méfiez-vous des choses nouvellement inventées en religion, car toute chose nouvellement inventée en religion est une innovation. Et toute innovation est un égarement. Tu retrouves ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné le mal, la maladie, qui n'est autre que la divergence blâmable, l'ikhtilaf, qui est l'inverse de ce que nous cherchons à concrétiser et de ce dont nous sommes en train de parler lorsque nous abordons donc l'ijtima', ijtima' al-kalima. Donc l'unité du discours, l'union sur la vérité. Donc il a mentionné le mal. Et ensuite il a donné le remède. Est-ce que ce remède, c'est de dire donc, lorsque la divergence survient, alors unissez-vous comme vous le pouvez, de n'importe quelle manière? Est-ce qu'il a dit, comme certains partis politiques le disent actuellement, en se réclamant donc de l'islam, nous nous entraînons dans ce sur quoi nous sommes d'accord et nous nous excusons les uns les autres dans ce sur quoi nous sommes en désaccord, voulant par là viser le fait de ne plus réprouver et de ne plus blâmer l'innovation religieuse, de ne plus blâmer tout ce blâmable? Non, il n'a pas dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Fa'alaykum bi sunnati. Accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Cramponnez-vous-y et mordez-y à pleines dents. Et méfiez-vous des choses nouvellement inventées en religion, car toute chose nouvellement inventée en religion est une innovation, et toute innovation est un égarement. Donc si tu veux être en conformité, tu dois t'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de te cramponner à l'islam authentique. Et sache que, comme le disait l'imam al-Barbahari, sache que l'islam c'est la sunna et que la sunna c'est l'islam. Et tu te dois de comprendre le Coran et la sunna, tu te dois de comprendre ces deux références conformément à la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté qu'Allah tabaraka wa ta'ala a visé lorsqu'il a dit: les tout premiers croyants parmi les émigrés, c'est-à-dire ceux qui ont émigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine, et les auxiliaires, c'est-à-dire les Ansar, ceux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui avaient émigré de la Mecque à Médine. Donc les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis avec excellence, Allah les agrée et il agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Et voilà l'énorme succès. As'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alani wa iyyakum min al-fa'izin. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الحق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إخوانا متحابين فيه جل جلاله. أسأل الله تبارك وتعالى قبل هذا كله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. إلى هنا وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Demain donc il y aura cours après les prières de Subh et également donc à 16h, pas après Dhuhr, à 16h, puis après l'Asr et après le Maghreb, Inch'Allah. Et on remercie donc, et on n'oublie pas de remercier pour tout cela, Allah tabaraka wa ta'ala avant tout, puis les organisateurs, les responsables de cette mosquée qui donc ont ouvert leur cœur à leurs frères pour ce que nous espérons être un bien. Jazakumullah khairan.